Et nous, on est dans notre sac de couchage tout mouillé, je l'ai déjà dit, mais c'est surtout pour les gens qui s'étaient endormis. On se pèle les fesses. On est tout mouillé et on se dit... Chacaille. Qu'est-ce que je chacaille. Fais là chacaille. Avec les cousins et les cousines, tout était complet, mais nous avons trouvé un endroit pour nous installer. Cet endroit nous offrait tout le confort dont nous pouvions rêver. C'est pourtant vrai que ça sentait un peu fort à proximité des WC, mais nous étions vraiment comblés. Nous n'avions pas loin à aller, surtout pour la cousine Brigitte qui avait une cystite. Qui avait une cystite. Nous n'étions qu'à 5 km de la plage, la voiture immobilisée. Elle n'avait pas supporté le voyage, alors on circulait à pied. La marche à pied, c'est bon pour la santé, nous étions d'humeur folâtre. Mais pour Pierrot, les 5 km à pied, c'était plus dur, les jambes dans le plâtre. Car il avait emmené Martine jusqu'à la piscine du camping. Il a plongé dans le grand bain. Pas d'eau dans le bassin. Pas d'eau dans le bassin. Pas d'eau dans le bassin. Pas d'eau dans le bassin. Tous les soirs, on mangeait au barbecue, on faisait cramer des saucisses. On faisait cuire d'ailleurs un peu de tout, des bonbons, des melons et des cuisses. Des cuisses de quoi me demanderez-vous? Faites-vous cuire avec les merguez. Celle de Brigitte qui sautait un peu partout après s'être assise sur les braises. Car elle avait une petite envie, étourdie Brigitte s'est servie du barbecue qui chauffait sec. En guise de toilette. En guise de toilette. En guise de toilette. En guise de toilette. Une fois la semaine de vacances écoulée, la voiture reposée mais bruyante. C'est avec tristesse et le cœur serré que nous avons plié les tentes. On a mis Pierrot et ses jambes plâtrées dans le coffre à l'aise bien assis. Bien mieux que Brigitte qu'on avait attaché avec le barbecue sur la galerie. Car elle ne pouvait plus s'asseoir depuis son histoire d'urinoir. Sur le ventre elle pleure sa cystite. La pauvre Brigitte, elle s'est assise sur le barbecue plein de braises. Maintenant, elle a plein de cloques à son pépère. Eh bah oui, ça forcément. Elle sait plus s'asseoir. Alors, comment devait remonter chez nous à Crépin? Par l'autoroute dans notre 5000. Yes, te convenu dans la 5000. Et ben on l'a mise sur le toit de la voiture, sur la galerie. Avec le barbecue, bien sûr, puisque il est aussi important de ramener chez nous le barbecue que Brigitte. Fait. Ça sert plus que Brigitte, en fait. Et nous, on roule sur l'autoroute. Imitation de la Sim Camille. Ce soir, c'est la totale, on a les effets spéciaux et tout. Il y a du trafic. Et par les carreaux ouverts, on l'entend qu'elle hurle. Et là, on se dit, faut pas rouler vite. Faut pas rouler vite. Faut pas voler vite, faut pas voler.